Radiomatique. cette transmission 100 d'Audiomatique s'amorçait avec le quatuor américain Solstice et la chanson Color de leur premier album Illusion. Un son n'existe jamais à l'état brut, puisque pour qu'il existe, il doit se propager. Et pour ce faire, il est dépendant de l'environnement dans lequel il est libéré. Un son n'est pas perçu de la même manière en différents temps et en différents lieux. Et tout dépend de la distance le séparant de l'auditeur, de la matière qui pourrait le réfléchir dans son sillage. Un son, même enregistré, reste donc unique lorsqu'il est diffusé. Et un amalgame de sons assemblés dans une logique intuitive ou rationnelle pour former un tout où la cohérence prend parfois la silhouette d'une mélodie et parfois d'une dissonance, est plus unique encore lorsqu'il est retransmis puisqu'il touche à la sensibilité du destinataire qui est modulée par une combinaison presque infinie de variables. Cette diffusion d'assemblages de sonorités qui, par ses structures, se définissent à notre oreille comme étant de la musique, utilise chaque objet qui nous entoure et chaque méandre intérieur comme autant de surfaces de réflexion qui nous renvoient une image sonore de notre environnement, comme un miroir réfléchit l'image visuelle d'un individu, comme ses yeux nous renvoient ses états d'âme. Les transmissions d'Audiomatique se dressent entre les sons et vous, agissant comme une catapulte réverbératrice, vous redirigeant la panoplie de sons de nature synthétique, analogique, organique et électrique figés sur des supports de conservation. Les sons prennent sens dans la démarche créative de l'artiste et dans le lieu physique où ils sont diffusés, tout comme dans l'espace intérieur où ils sont reçus et selon les prédispositions de l'auditeur. Les électronistes captent dans l'univers de la musique électronique ces assemblages de sons érigés par les artistes. Puis, par l'effet du miroir sonore que sont les transmissions d'Audiomatique, les électronistes transmettent ces compositions à un public non défini aux caractéristiques insondables. Ne sachant vraiment jamais comment leurs offrandes seront perçues lorsqu'elles auront traversé le filtre répercussif d'Audiomatique. Autant d'individus qui écoutent, autant de perceptions différentes émergeront. Comment percevrez-vous la prochaine pièce qui traverse le miroir sonore d'Audiomatique et qui se réfléchit dans l'environnement au sein duquel vous vous trouvez présentement? Vous seul le saurez. Until we can. Avant le trou publicitaire, nous entendions la formation Lights of Euphoria avec une version club de sa pièce One Nation. On retrouve cette version, entre autres, sur l'anthologie intitulée Subjection. Avant Lights of Euphoria, nous entendions la formation péruvienne Telemin Cuatro et sa pièce Urban Demon tirée de l'album Fiction Beats. Soulignons au passage que le groupe s'est mérité un Lennon Award dans le cadre du John Lennon Songwriting Contest en 2011 pour sa pièce Fiat Lux, également tirée de l'album Fiction Beats, album qui a aussi été finaliste au 12e Independent Music Awards dans la catégorie Dance Electronica. Et nous amorcions la séquence musicale avec une toute nouvelle pièce de Covenant, soit Sound Mirrors. La version que nous entendions nous était offerte par le projet Isoloscope et elle se retrouve sur le single du même titre que la pièce, soit Sound Mirrors. Ce single annonce la sortie imminente du nouvel album de Covenant intitulé The Blinding Dark. Poursuivons en musique à Audiomatique avec le projet allemand Galaxy. diving into higher frequencies. Audiomatique, il s'agissait du projet Galaxy, un des nombreux pseudonymes de l'artiste allemand Boris Blenn. Il nous offrait la pièce Higher Frequency qui ouvre son album Solar Synthesis, paru en 2000. Allons-y maintenant avec le projet argentin Barrio Lindo. Thank you. C'est sur l'Instradub mix de la pièce Condor va volando de l'artiste équatorien Eduardo Zambrano que nous concluons cette séquence musicale de deux pièces. La composition d'Eduardo Zambrano se trouve sur son plus récent album intitulé Rituel. Et avant cela, c'était le projet Barrio Lindo et sa pièce Islot qui paraît sur son unique album Menoko, paru en 2014. Pour clore cette transmission 100 d'Audiomatique, nous allons jouer le groupe anglais Medicine Drum, mené principalement par Chris Decker. Chris Decker. La pièce que nous vous offrons s'intitule Ancient Analog et est tirée du troisième album de Medicine Drum, soit l'album Original Face. Mercredi prochain, dès 17h, les électronistes vous présenteront la transmission 101 d'Audiomatique. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou afin d'accéder à toutes nos anciennes transmissions. Voici donc Medicine Drum et la pièce Ancient Analog. Bonne écoute et pourquoi pas, bonne semaine.